Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxime Bilodeau nous parle des catégories de chaussures de course à pied. On reçoit Jasmine Raymond-Drinville qui nous parle de l'âge UQTR. Et nos chroniques maison, c'est un fait et tu manges mon cœur. Assemblage requis, ça commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 3 octobre ou octobre 2012. Octobre. Moi, je dirais Spoctobre. Spoctobre. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le domaine geek, hein? C'est le mois de Spoctobre où tu dois rajouter des oreilles de Spock à tous tes amis sur des photos sur Facebook, par exemple. Vrai? On pourrait faire le montage avec toi, ce serait génial. Bon, pas certain. C'est toi avec les favoris à Nicolas Cage. Je pense. C'est ta vieille photo avec les oreilles de Spock, non? Non. Non? Okay. Non. Donc, on est en direct des studios 6 fois 3 rivières. Moi, c'est Mathieu Plante, en passant. Moi, c'est François Olivier. Juste au cas où vous avez vraiment à le savoir. Hein, ah, ouais. Aujourd'hui, à l'émission, François, on a un beau petit plan, là, sympathique. Sympathique, pas trop chargé, juste non, à point. C'est ça, juste correct. On va avoir, pour commencer, à 8h, Jasmine Raymond-Drinville et sa chronique sur la GEQTR. On va nous parler assurément de l'Assemblée générale qui va se dérouler aujourd'hui même, oui, à partir de 13h au 10-12. C'est important d'y aller, ça c'est certain. On fera aussi à 8h30 la chronique de Maxime Bilodeau. Et aujourd'hui, attention, parce qu'au menu, ça va être excellent. On va continuer d'explorer le fascinant univers des chaussures de course à pied en déclinant les caractéristiques des différentes catégories qui sont actuellement disponibles sur le marché. Et on va s'attarder à l'aspect un peu plus pratico-pratique de leur utilisation. OK, génial. Fort intéressant. Autour de tout ça, on fera entre Jasmine et Maxime, la collègue Tu manges mon cœur, François et moi. OK. Oui, on va partager nos coups de cœur. Tout à fait. En tant qu'animateur. Et on va débuter l'émission avec une édition spéciale de C'est un fait. Et vous le savez, une fois de temps en temps, faut pas se gêner. Hein? Si tu me vois venir, oh oh, indice. Même là, tu me vois venir, c'est un autre indice. Mais ça, je te vois tout court. Ouais. Ce sera donc, c'est un fait Kinky Sexy Time Edition. Mais pour l'instant, on écoute Ariane Moffat. Et elle fait la pluie et le beau temps. Elle qui regarde dehors et un peu comme nous, ne voit pas à 2 mètres devant elle. Mais c'est beau ce matin. C'est beau. Ben, faut l'apprécier. Je l'ai dit souvent quand il y a du brouillard comme ça, là, mais je me sens dans un jeu sur la première PlayStation ou genre au Nintendo 64. Tu sais, où toutes les. Ça se passait tout le temps dans une ville où il y avait du brouillard. Comme ça, ils pouvaient masquer le fait que les bâtisses apparaissaient au fur et à mesure quand t'avançais dans le jeu. C'est plus facile, ouais. Hey, il y a du brouillard dans cette ville-là, c'est bien normal. Donc, Ariane Moffat, la pluie et le beau temps. Tout de suite. Ah, c'est fou. Bonne émission. La pluie et le beau temps. C'est pas banal. On n'en parle jamais trop. Non. Regarde comme il fait beau. Ressens comme il fait bon. Il traverse la fenêtre. Du ciel jusqu'à ma tête. Ses effets collatéraux sur mon humeur et sur ma peau. J'en rêve. On ne parle jamais trop de la température. On ne parle jamais trop de la. self-control. Your legs are smooth as they graze mine. We're doing fine. We're doing nothing at all. Laying twined here, undiscovered. Safety here from all the stupid questions. Hey, did you get some? Man, that is so dumb. Stay quiet, stay near, stay close, they can't hear. So we can get some. When we're in, I think solely that this one thing we share together. The streets were wet and the gates were locked. So I talked in and I let you in. And she stood at the door, your hands on my waist, and you kissed me like you meant it. I knew that you meant it. That you meant it. That you meant it. And I knew that you meant it. That you meant it. Dashboard Confessional avec la pièce Hands Down. Et puis, bref, écoute, je sais pas ce qui arrive avec lui, Dashboard. Tu sais pas, c'est un gars, c'est juste une personne, Dashboard. Ouais, ouais, ouais. C'est en fait, c'est un gars solo là, qui roule sa bosse. Ben, en fait, qui roulait sa bosse, j'ai aucune idée, en fait. Il est pas mort, toujours. Non, non, non, vas-tu, il fait encore des spectacles. Plus au niveau des États-Unis, présentement. Ah! Mais vois-tu, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce nom-là. Tu fais bien d'en jouer, c'est le fun, j'aime ça. Ouais, ouais, c'est bon. Bien. Maintenant, François, à Assemblage requis, c'est le moment de... en fait, pas se déshabiller. Hein. Mettons, commencer à... Hein. Okay. Tu veux commencer à te déshabiller. Pour c'est un fake Kinky Sexy Time? Okay. C'est le même, ça marche d'habitude? Ben, tu peux juste montrer l'épaule, habituellement. Ah, juste un petit peu agace. OK, ben, ouais. Voici, c'est un fait. C'est un fait Kinky Sexy Time Edition, mais ça, je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Comme thème. Non, c'est pas assez. Moi, je pense qu'on devrait se trouver un petit thème un petit peu plus genre... Oh. Ouh, c'est un fait. Kinky Sexy Time Edition. Allons-y avec des choses un petit peu plus mollo. J'ai séparé ça en deux blocs. Le premier bloc, c'est un bloc plus préparatoire. T'sais? OK. Donc, on essaie de pas trop être vulgaire. Et préliminaire. C'est ça, on est préliminaire. Là. Approximativement deux tiers des gens penchent leur tête à droite lorsqu'ils s'embrassent. À droite. Deux tiers, donc le tiers par à gauche. Certains disent, et là, tu sais, les gens aiment ça analyser un petit peu trop les affaires, là, disent que la préférence débute dans le ventre de la mère. Tu sais? Ouais, mais... Ouais. Ouais. Si on partait avec cette optique-là, tout se déroule là. C'est à peu près ça. C'est là que la vie a commencé, en fait. Les lèvres sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Et même l'appareil génital n'a pas autant de sensibilité que les lèvres. Hein? Eh ben, hein? La science de l'embrassage, ouais. Ça s'appelle la philématologie. OK. Embrassade, peut-être, pour dire. Les chimpanzés embrassent avec la bouche ouverte, mais pas avec leur langue. Alors que les bonobos, qui, dans le fond, c'est l'espèce de primate la plus intelligente, embrassent avec la langue. Les bonobos. Hein? S'embrasser à la conclusion à la fin d'une cérémonie de mariage, ça revient ça à la la Rome antique. La Rome antique, tu connais ça? Il y avait une tradition où on utilisait le baiser pour sceller un contrat, donc pour signer un contrat. Okay. C'était ce qu'on faisait, on embrassait l'autre personne. Un baiser passionnel. Ça brûle 6,4 calories par minute. 6,4 calories par minute. Alors qu'un Hershey's Kiss, ces petits chocolats de Hershey, ça c'est 26 calories. Ça prend 5 minutes de marche ou environ 4 minutes à s'embrasser. Pour brûler tout ça. Eh ben. Hey, ça devient sexy pas mal, ça. Ben, le fun, mais mettons que non, pas tant pour moi, celle-là. J'aime mieux ça ici. Hi, this is Ron Jeremy. Hey, Ron! You're listening to Porno Sonic. Porno Sonic. on disait donc que la plus grande colonie de nudistes au monde, oui, c'est le Naturist Quarter of Village Naturist, et c'est situé à Cap d'Agde, en France. OK, combien de population? Ça dit pas, j'aurais aimé ça savoir. Devine la ville qui a été nommée la plus fetish-friendly, selon un sondage de 2005, World's Sexiest Cities. Donc, la ville qui, dans le fond, a plus de fétichistes. Je sais pas. Tu l'auras jamais. Berlin. Ah, oui, bon. Il n'y aurait pas eu. Non, moi non plus. La personne moyenne a couché avec 9 personnes, en général, avant sa mort. OK. 9 personnes. Le terme pour avoir des relations avec un dessous de bras. On s'imagine tous ça. Ça a un nom. C'est l'axillisme. Tu sais, axe, là. Ouais. C'est axe. Pour ça? Non, je sais pas. J'imagine que ça vient du latin pour dessous de bras, ça. 90% de la porno qui a été fabriquée aux États-Unis, en fait, qui est fabriquée légalement aux États-Unis, est filmée ou produite à San Fernando Valley, en Californie. 90% de la porno légale aux États-Unis. C'est là que ça se passe. C'est pas mal la ville. Et puis, finalement, une porn star... Les plus grandes vedettes de la porn peuvent se mériter environ 20 000 $ par semaine s'ils dansent dans des strip clubs. Oh ouais. Mm-hmm. Moi, ça me tente d'écouter plus de ça, puis on revient avec une deuxième partie. C'est parfait. Big Daggers, Big Dick Dilemma. Yeah, boy. Sur un des CD pour le Sonic. Je lisais là-dessus, en fait. Ah, c'est vrai, ça parle. Final exam will be coming up at the end of this week. The test will be comprised of 20% written, 30% oral, and 50% anal. OK. Anal. D'accord. Donc, Porno Sonic, ça a débuté en 1971. J'étais en train de lire là-dessus un petit peu sur Porno Sonic, qui est de là que ça vient. Tu regardais les images ou... Non, je lisais sur les disques, en fait. Ça a commencé en 71. Et puis, ils ont écrit pendant une vingtaine d'années environ des chansons assez connues pour les films adultes. Et puis, récemment, ils ont, dans le fond, pas si récemment que ça, en 2004 et 2005, ils ont sorti deux compilations de pièces perdues de Porno Sonic. Eh bien. Et là. Donc, on est en plein, c'est un fait, Kinky Sexy Time Edition. Je vous rappelle, on essaie d'être le moins vulgaire possible, mais tout en parlant de choses quand même qui méritent d'être dites sur la sexualité, finalement. Hein? Bon. Donc, avoir les pieds froids, Ouais. Ça pourrait t'empêcher d'avoir un bon orgasme. Oh, ouais. Les pieds froids. Tout à fait. Quel est le mois le plus commun chez les Américains pour perdre sa virginité? Juin? Exactement. Mais voyons donc. Ben, juin. Balle définitive? Ah! Tu vois, j'avais pas pensé à ça. Je trouve qu'il fait chaud en juin, mais c'est moins pire qu'en juillet, tu sais. Ouais. Ouais. Ça n'empêche rien. Celle-là est difficile de la faire sans être trop vulgaire, là, mais ce qu'on appelle Burmese Ball. C'est des petites boules qu'on insère au bout de l'engin masculin. OK? On l'attache là. Et ça rend l'engin plus gros et augmente le plaisir. Burmese Ball. Moi, je connaissais pas ça. Moi non plus. Devine ce qu'est le satyriasis. Une maladie? Une infection? Non, si je te dis que ça, c'est assez excitant peut-être, mais, mais okay. Trop? C'est l'équivalent masculin de la nymphomanie. Ah. Donc chez l'homme, on appelle ça le satyriasis. Moi, je pensais que ça s'appelait quand même être nymphomanie. Moi aussi, je pensais ça, en fait. Tu sais, nympho ou nymphe, c'est plus fun à dire qu'un saty, tu sais, mettons. Quelque chose comme ça. L'écouteurisme, maintenant. Devine ce qu'est l'écouteurisme. Écouter le monde faire l'amour. Exactement. C'est être allumé lorsque tu entends d'autres gens faire des choses. Au Japon, il y a des... est-ce que l'autre va parler si je la pars? Ils ont tout ça, des petits sketchs au début. C'est ça. Bon, on va en faire un, fond, à un moment donné, ça. Donc, le Japon a des genres de cafés, okay, des endroits, des cafés, avec des planchers faits de miroirs pour que les personnes qui vont là-bas puissent voir en dessous des jupes. Des serveuses. Ah, oh boy. C'est au Japon, ça. C'est intéressant. Le mot fornicate, ou en français, on dit quoi? Forniquer, je crois. C'est à peu près ce qu'on dit. Ça vient du terme fornix, qui était un sous-sol où les prostituées travaillaient dans le temps. Donc, fornication, ça vient de fornix. En ancien anglais, whore. Tu sais, whore, ça veut dire, encore une fois, une prostituée. Ouais. Whore, ça voulait dire désir. C'était sympathique, en vieil anglais, quand même. L'asphyxiation érotique, c'est-à-dire couper l'oxygène qui s'en va à ton cerveau pendant les relations, ça cause environ 500 morts chez les Américains par année. Ouais, c'est bizarre, ça. Vraiment, mais tu sais, chacun ses goûts, mais... Ah, j'imagine. Celui-là, je suis pas convaincu, c'est un peu dangereux. 4000 personnes, en ce moment même, sont en train d'avoir des relations. 4000 personnes. Dans le monde? Dans le monde, en ce moment. Je pensais que c'était plus que ça. Ben moi aussi, en fait. Ça me surprend, puis je me demande si c'est vrai, tu sais. Mais ça dit sur Internet, c'est ce qu'on dit. Hein? Donc, c'est vrai. Est-ce qu'il y avait une spécification en dessous? Ça dit... Non, il n'y a rien. L'estime personnelle, l'estime d'une femme peut affecter la qualité de son orgasme. Ce qu'elle pense d'elle-même, comment elle se sent par rapport à elle-même. C'est sûr. Ouais. 30% des femmes ont de la difficulté à se rendre jusque-là, d'ailleurs. Jusqu'à l'orgasme. 30%. Raser ses poils... à tu sais quel endroit, augmente la transmission de maladies ou d'infections transmises sexuellement. Okay. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas. Ah, je sais bizarre. Pas. Ouais. Un homme de l'Iran, dans le fond, eut une érection permanente parce qu'il s'est fait tatouer sur son engin. Il y a eu un tatouage. Ah ouais. Et ça a fait que maintenant, c'est permanent. Et ben, déjà qu'un tatou, c'est assez permanent comme ça, si en plus, ça cause une double permanence, ça, c'est pas le fun. Ouais, ça doit être assez plate. Ouais. Pas la meilleure chose. Avoir des relations et se rendre jusqu'à l'orgasme peut soulager certains types de maux de tête chez les femmes. On spécifie chez les femmes. OK. Et ben, 75% des hommes... comment est-ce qu'on utilise? Quel terme pourrais-je utiliser sans être vulgaire? 75% des hommes se rendent à l'intérieur de 2 minutes après avoir commencé dans au moins la moitié de leur rencontre sexuelle. En 2004, la Corée du Sud a ouvert un magasin... pas un magasin, pardon. Un parc thématique... pour adultes seulement, qui s'appelle Jeju Loveland. Jeju Loveland. En 2004. Certains hommes ne se rendent pas. Avant, dans le fond, il faut compter plusieurs secondes avant le... Genre, comment dire? Mettons, ils arrivent à la confusion et ça prend plusieurs secondes avant qu'ils, finalement, laissent aller leur... c'est ce que c'est. Ça prend plusieurs secondes après cette... rendu. On comprend? On comprend. Difficile des fois. le Japon, mais en même temps, c'est ce qui rajoute un petit défi, puis c'est belle fin. Le Japon a assemblé la plus grande orgie de tous les temps. OK. 250 hommes, 250 femmes. C'est légal? Je sais pas. Mais c'est un nouveau record. Non, l'histoire ne le dit pas. Entre 15 et 17 % des femmes qui, dans le fond, ont commencé à utiliser un vibrateur avant l'âge de 20 ans. Entre 15 et 17 %, c'était avant l'âge de 20 ans. 20 % des adultes aiment les masques, se bander les yeux et des trucs comme ça. 20 % des gens. Des adultes. OK. En date de 2011, 44 % des femmes entre 18 et 60 ans ont utilisé un jouet sexuel d'une façon ou d'une autre. 44 %, c'est presque la moitié. Ouais, presque la moitié. Dans la culture aztèque, les avocats, le fruit, étaient considérés, dans le fond, sexuellement puissants. Donc, ça servait à quelque chose sexuellement. Donc, les vierges n'avaient pas le droit d'entrer en contact avec un avocat. Le fruit. C'est un fruit? C'est un fruit, ça. C'est un fruit. Le Viagra est sorti en 1998 et a ramassé plus de 411 millions de dollars en profit à l'intérieur des trois premiers mois. OK. Je savais pas que c'était aussi récent que ça, 98. Les chercheurs disent que les condoms qui ont été exposés au smog et à l'ozone sont moins efficaces. OK. Très bien. Eh bien, les yeux oui. et l'appareil féminin. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les yeux et les appareils féminins du bas? Je sais pas. Non, ils se nettoient tout seuls. Ah! Ah, quand même. Il nous en reste quelques-uns encore. Hey, tu m'en apprends un matin, là. Ben, j'essaie. Ah ouais, écoute. Tout en étant le moins vulgaire possible, mais je sais pas si ça marche, là. Tu me le dis, hein, si je vais trop loin. Ça, c'est ce qu'on dit aussi des fois au lit, mais. Ouais. 43 % des femmes disent que le livre Fifty Shades of Grey, est-ce que tu connais 50 nuances de gris en non. français? C'est un film, toutes les filles aiment beaucoup ouais. ça et ça les excite énormément. Donc, 43 % des femmes disent que le livre 50 teintes de nuances de gris ont fait que leur vie sexuelle ont l'air beaucoup trop routinière et ennuyante par comparaison parce que c'est un livre très, très, très dirty, dirty. T'sais. Très okay. dirty. 44 % des femmes préfèrent lire sur des choses sexuelles que d'avoir des relations sexuelles. Ça, c'est quand même dur à croire. Comme le chocolat, manger du chocolat aussi. Ouais, mais je veux dire, que par rapport à avoir des relations. Ouais. Tout à fait. T'as exactement raison. Exactement. Il y a une université qui est dédiée entièrement à l'amour et au sexe. Ça s'appelle l'université Loveology. OK. OK. Sinon, les États-Unis ont plus de lois qui gouvernent le comportement sexuel que n'importe quel autre pays en Europe. Et même que n'importe quel pays en Europe combiné, si on met tous les pays d'Europe ensemble, il y a plus de lois aux États-Unis par rapport au comportement sexuel qu'en Europe. Un strip club qui est bien géré peut faire autant que 5 millions de dollars par année. Ouais. 5 millions. Et il nous en reste encore un petit peu. Attends un peu, je cherche, j'en saute une couple. Les niveaux de testostérone chez l'homme sont à leur sommet le matin. Donc les hommes sont plus faciles à exciter tôt le matin. Donc les relations seraient peut-être mieux de les avoir là si vous voulez vraiment quelque chose de bien. Sinon, peut-être que c'est pour ça qu'on se réveille des fois avec le morning wood. le 15 mars, à chaque 15 mars, il y a un festival de fertilité au Japon. OK, festival de fertilité. Oui, okay. Festival annuel. Ouais, c'est ça. De la fertilité. Ça consiste à? C'est célébrer et rendre hommage à l'appareil masculin. OK, donc on l'exhibe. C'est ça. Ben, je sais pas si on l'exhibe, mais en tout cas, il y a sûrement des gros gonflables dans les airs, un petit peu partout. Des dirigeables en forme de... et le musée du sexe explique que les orgasmes qui sont amenés à cause d'un vibrateur ou grâce à un vibrateur ont aidé les docteurs à identifier les symptômes de l'hystérie. OK. D'accord. Je sais pas comment ils font ça, mais c'est ça pareil. C'est ça. Le dernier, c'était que d'avoir des relations le matin, ça relâche de l'oxytocine dans le corps, ce qui fait que les couples se sentent plus près l'un de l'autre. Le matin, c'est mieux comme ça. Donc, ça a un petit peu rapport avec ce qu'on disait tantôt par rapport au matin. Exact. Et voilà pour la chronique, c'est un fait. Kinky Sexy Time Edition. Combien de fois j'ai dépassé les limites là-dedans? Pas vraiment? Non. Je m'en fais vraiment pour ça. Je veux vraiment pas, mais... Non, ça va bien. Ouais. Cool. Oui. Cool. Est-ce qu'on écoute encore le Porno Sonic? Un petit peu de Porno Sonic? Après ça, on écoute du Bio Bazar après. OK. Parce qu'il est très lover, c'est Danny Janvier. Bio Bazar et Skyfish s'en vient dans quelques secondes. Yes.

Last Chance at Love de Foxy Shazam à Assemblage requis. Il est 7h39 minutes avec François-Louis Marchand. Et Mathieu Plomb. Oui. Hey François. Mathieu. As-tu envie de jouer à un jeu quiz? Non. Non, laisse faire. Est-ce que tu veux t'essayer à nommer le top 10 des engins de recherche cotés par Alexa et ibizmba.com? T'as 2 minutes pour le faire, mettons. OK, ben Google. Google, OK. Google, j'aime ça, c'est bon. Yahoo. Yahoo. Oui, 2, OK. Netscape, Dante? Non. ça n'existe plus. Je ne penserais pas. Moi, j'irais avec peut-être ask.com. Oui, il est là-dedans, OK. OK, ensuite, ask.com, jamais été? Non, tu sais, il y avait Ask Jeeves, là, c'est un espèce de butler, un genre de butler, non? Comment t'appelles ça dans un butler, là, dans Batman, là, le gars qui... En tout cas, bref, on perd du temps, 1 minute 30. Wikipédia? Wikipédia, peut-être, que... ça se peut. Non, ça passe non? pas. Non. Hi, hein? Bing. Yeah. Bing, ouais, Bing. Bing. Écoute, je sais pas, à part Google, sincèrement. Je vais regarder mon Firefox, qu'est-ce qu'il y a comme engin de recherche là-dedans. Lui? Non, c'est tout des. Non, Amazon, c'en est pas un. Wikipédia, tu l'as dit, c'est pas bon. Hi, hein? Il en reste 6 autres, là. Je pense qu'on va abandonner bientôt, hein? Quoi? Ouais. On va abandonner, on va regarder le reste. AOL, j'avoue, AOL. My Web Search. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été infectés par un virus et puis ça cherche sur My Web Search depuis ce temps-là. Bieco, je connais pas. Lycos, ça fait longtemps. Là. C'est aussi vieux que Tripod, cette affaire-là, pour GeoCity, cette affaire-là. Dogpile, OK. Et Webcrawler, ça aussi, c'est vieux. Là. Je connais pas. Je connais on même pas. Aucune chance. Des vieilles affaires. Du début de l'Internet, ça, là. Mais bref, voilà. Mais ça a passé un petit une minute. Ouais. On retourne en musique avant de recevoir Jasmine Raymond Réville et sa chronique sur la GEQTR. On va parler de plein d'activités qui vont avoir lieu pour la GEA, mais aussi et surtout de l'Assemblée générale qui a lieu cet après-midi. Aujourd'hui même à 13h au 10-12. Il y a une levée de cours cet après-midi. Donc, à partir de 13h30, la levée de cours. Soyez-y, on en parle tantôt. Pour l'instant, voici Trio et Greenwashing. On veut du greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du c'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green washing. Et cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait 4 bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green washing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du greenwashing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green washing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green washing. On veut du green washing. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green washing. On veut du green washing. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut du green washing. The Cat Empire à Assemblage Requis. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Ouais, tout à fait. On sort des vieux hits une fois de temps en temps, et puis ça vaut la peine. Hein? Ouais, exact. Puis écoute, on essaie d'aller rechercher des fois des chansons en fait qui sont peut-être un peu obscures aussi là, ouais. pour les auditeurs moyens. On aime ça parce que sinon, jouer du palmarès, c'est beau, mais il faut varier un petit ouais, peu. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on le fait. Et là, on va continuer à le faire parce que pour commencer, il faut dire aux gens qui attendent Anne-Julie Durocher, sa chronique n'a pas lieu aujourd'hui. Elle va être de retour la semaine prochaine. Ouais, ouais, vous pouvez vous recoucher. Elle serait à 7h45 d'habitude avec sa chronique et l'index d'Anne-Julie. Mais par contre, on va avoir Jasmine Raymond-Drainville et sa chronique de la GEQTR tout à l'heure. Incessamment. Incessamment, tu parles bien. On dirait que tu avais un cahier de mots à apprendre. T'as pas... Non. Non. Non. Donc, c'est vraiment de ton cru. De mon cru. Wow! Comment? Non, écoute, Matt, j'aimerais ça inviter les auditeurs s'ils ont des demandes spéciales des fois. Oui. Écoute, on fait pas mention de ça souvent, mais vous pouvez le faire par le Facebook. D'Assemblage Requis. Sur assemblagerequis.com, il y a un lien exactement. Pour nous contacter. Par téléphone, 819-376-5183. Exact. Courriel, assemblagerequis@gmail.com. Ça, c'est vrai. Toutes aussi. Les façons fonctionnent, finalement. Twitter. Twitter. Sur les ouais, tweets. J'imagine. Ouais, sûrement. Espérons-le. Personne qui va aller nous contacter non, sur non, Twitter. C'est... Mais bon. Non, non, puis on souhaite pas, mais bon. On souhaite pas. Non, mais en fait, ben, Twitter, je sais pas. En fait, J'utilise, là, mais pas, pas avec les émissions. C'est ça, pas grand chose. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Okay, appelez-nous. Sincèrement, écoute, appelez-nous ce matin. On veut entendre, savoir ce que vous voulez entendre. Si vous nous appelez, là, je pense qu'on peut garantir qu'on ben, va considérer votre chanson. Oui, fortement considérer. Tout dépendant, c'est quoi votre chanson. Là, évidemment, il faut que ça fitte un peu dans le cadre de C'est fou et d'Assemblage Rocky. Mais en même temps, si vous nous écoutez, vous comprenez un peu. Notre façon principe, de faire. Là, ouais. Tout à fait. Et pour vous donner l'exemple un petit peu de quoi suggérer, par exemple, on va faire, toi et moi, des demandes spéciales. On va commencer avec toi, François. Oui, écoute, j'en ai une. Je me rappelle même plus c'est quoi. C'était of Monsters and Men. Ah oui, excuse-moi. Et c'est lui qui me l'a dit il y a 30 secondes, mais bon. Oui. Je me rappelle plus c'est quoi. Of Monsters and Men avec la pièce Little Talks. Ça, c'est Maxime Scar qui m'a fait découvrir ça hier. Oh. Ouais. Et c'est très bon, ça m'a surpris. Je connaissais vraiment pas. Donc voilà, en fait, on vous envoie ça dans la face comme ça matin. On écoute ça. Puis après ça, ma demande spéciale. Chacun son tour à Assemblage Rico. My hand, I walk with you, my dear. The stars creak as I sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. Some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Outside when we were young and full of life and full of love. Some days I feel like I'm wrong when I am right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. I really wanna done. I see you out of line, but I'm the city boy with dirty clothes and heart. But I wanna look good tonight. I really, really wanna look good tonight. Shut the door, turn down the lights. I'm all invested now. It's irrational. It's irrational. It's irrational. But then I thought you were Tang, c'est Game Show Love, Assemblage Requis. Ça ressemble à ça quand on fait un bloc de choses qu'on aime beaucoup, François et moi. Ouais, exact. Ça sonne de même, c'est bon. Comme une tonne de briques. Une tonne de briques. Et toi, c'était du Of Monsters and Men. Oui, la pièce Little Talks. Et puis toi, c'était la pièce Game Show Love. Ouais, Roll the Tanks. Moi, c'est bien tout ça. Comment ça, tu connais ça? Ben, c'était... évidemment, quand j'aime une chanson, c'était soit qu'elle était dans une publicité, ou soit que c'était la chanson thème de quelque chose, ou une tune qui jouait en background. C'est une genre de chanson d'arrière-plan. Okay. Celle-là, c'était une chanson thème d'une émission genre d'actualité humoristique. Infomania! Voilà. Et elle n'a pas confondre avec Infoman. Hein? Non. Infomania. Donc voilà pour ça. Et je vais en entendre plus de Roll the Tanks. Je vais essayer de me procurer leur album puis en jouer une fois de temps en temps. Nous, on se quitte quelques minutes. Après ça, il y aura Jasmine Raymond-Réville, sa chronique sur la GQTR, et Maxime Bilodeau et sa chronique sur la culture sportive. Ça sent bien. Yay. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. L'Info Campus! Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 3 octobre 2012. Octobre. Et lui, c'est François-Louis Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Va falloir voter. Est-ce qu'on utilise Roctobre à tous les jours ou Spoctobre, comme j'ai avancé tantôt? Spoctobre? Non. Je pense qu'on a une collaboratrice qui veut participer à la conversation. Roctobre. Roctobre, hein? Roctobre, c'est cool. C'est le meilleur. Non, c'est Octobre qu'on dit. Roctobre. Octobre. Il est tellement straight. Ouais, il est vraiment square ou encore petit doigt. Tiens. Parce que tu ressembles à un petit doigt. Si. Tu ressembles à une grosse orteille. J'essaie de partir un running gag sur ton petit doigt. Qu'est-ce que mon petit doigt? Pas ton petit doigt, t'es un petit doigt. Non, j'ai pas un petit doigt. Oui, c'est qui a ça? Il y a quelqu'un qui a parti ça. Qui c'est? Je me rappelle plus. C'était peut-être moi. Si je le pogne. Voici Grizzly Bear et Sleeping Ute. Après ça, Jasmine s'en vient, puis elle va être là pour vrai. Puis... Une pièce qui s'appelle Sleeping You sur leur album Shields. C'est le même que ça s'appelle. Shields. Oui, She Sells Seashells by the Seashore, comme diraient les tongue twisters. C'est là. En anglais, tongue twister, c'est comment t'appelles ça en français? Un tourne-langue. Un tourne-langue? Ouais, tu sais, quand comme... piano-panier. Papier-panier-piano. Il y a trois mots là-dedans, je t'ai pas avec deux. Papier-panier-piano. Imagine avec trois. On peut en rajouter d'autres, là? Ouais. Ouais. Fait que moi, j'appelle ça un tourne-langue. OK? C'est lettre. Okay. Je reviens là-dessus la semaine prochaine. OK. Je vais essayer de trouver le vrai mot. Ouais, parce que j'en avais un, parce que, tu sais, mettons, si je veux chanter une chanson, mettons, pour le GQTR, il faudrait que je mette. À GQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR, parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro. Hein? Ça valait la peine de faire des exercices. Hein? Ah ouais. C'est ouais, c'est quand même. Hein? C'est là que je m'en rends compte. Ouais. À chaque fois, on réalise qu'il y a une couche de plus d'absurdité là-dedans. Ouais. Ça fait mal. Ouais, c'est, je comprends. S'il y a des plaintes, je peux comprendre. Donc, Jasmine Raymond-Dreville de la GEQTR qui est avec nous en studio. Bon matin. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va, vous deux. Salut les enfants. Salut. Grosse journée aujourd'hui pour la GE. Eh oui. Mais on parle pas tout de suite de l'Assemblée, on va en parler plus tard dans ta chronique. Peu importe l'ordre, on va y aller dans l'ordre chronologique des choses. Ouais, c'est ça. Allons-y. Ça vous va? Oui. Bon. Donc, comme je vous en avais déjà parlé, en fait, le poste de vice-présidence aux affaires académiques des cycles supérieurs est ouvert. Mais en fait, je vous avais parlé En fait, les gens savaient que... Je vous en avais parlé. Hein, que... Je crois que oui. Oui, c'est ça. Il y a une démission. Il y a deux semaines, en tout cas, je vous en avais parlé lors de ma dernière chronique. Oui. Donc, l'officier a démissionné le 13 septembre. D'accord. Voilà, ça. Bref. En tout cas, lors du conseil d'administration de dimanche dernier, donc le 30 septembre, le poste a été ouvert. Ouverture de poste. Oui, pour... on va y aller en ordre. Donc, pour la vice-présidence aux affaires académiques de cycle supérieur, le poste est ouvert maintenant. Donc, ça, l'affichage a été fait, en tout cas, sur Internet hier. Les personnes intéressées par le poste, je vais faire un petit descriptif après. Les personnes qui vont être intéressées par le poste ont jusqu'au 18 octobre, un jeudi à 17h, pour ramener les documents nécessaires pour être candidat. Donc, les signatures. Ouais, on parle de le formulaire de mise en candidature qui doit contenir 60 signatures d'étudiants. 60. Donc actifs à l'UQTR, là, avec le code permanent, la signature, le nom. Ça prend aussi la politique d'implication des officiers qui doit être lue, évidemment, et signée. La politique électorale, même chose. Ça, c'est comme votre code de conduite? Oui, dans le fond, dans notre politique électorale, c'est ce qui est mentionné. Lors, autant pour les élections générales, ces documents sont à remplir. Puis pour une élection partielle aussi, là, c'est les mêmes documents. Donc, politique d'implication lue et signée, politique électorale lue et signée. Puis, il y a aussi le formulaire de mise en candidature. Puis, les personnes aussi doivent nous remettre un... doivent être étudiantes à l'UQTR, premièrement. Puis, ils doivent nous remettre une photocopie de leur horaire de cours pour nous prouver, justement, leur statut d'étudiant. Okay. La vice-présidence aux affaires académiques des cycles supérieurs, en fait, ce que ça comprend comme tâche, ce que ça implique, c'est la personne qui veille aux intérêts académiques et universitaires des étudiants des cycles supérieurs, donc de deuxième et de troisième cycle, donc maîtrise et doctorat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est la personne, tu sais, si quelqu'un, en gros, là, si on veut faire ça rapide, quelqu'un qui a des problèmes avec un prof, avec un de ses quelqu'un qui est en maîtrise. Quelqu'un qui est au cycle supérieur, finalement, puis qui a... En fait, les deux vice-présidents aux affaires académiques, là, on a un premier cycle, on a un au cycle supérieur, c'est pas mal la même, pas la même chose, évidemment, parce que les cycles ça s'adresse pas aux mêmes personnes. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas la même. OK. C'est ça. C'est pas le même. Ben lui, il règle quoi? Lui, il sert de médiateur, non? En fait, c'est lui qui va faire avec. C'est lui qui va... rencontrer le professeur. Faire le lien tout d'abord. Si un étudiant a un problème avec un plan de cours, avec son. Un prof, n'importe quel intervenant avec qui il a affaire dans son cheminement universitaire, n'importe quel problème de caractère à caractère académique, mais il va aller voir la vice-présidence aux affaires académiques, donc de cycle supérieur dans ce cas-là. Puis cette personne-là va accompagner l'étudiant, va le soutenir dans sa démarche pour régler ses problèmes-là. Puis c'est la personne qui va faire le lien, si on veut, entre les diverses instances académiques de l'UQTR puis l'étudiant. Donc, tout ça, évidemment, ça reste confidentiel, là. Donc, ouais, j'imagine, en fait, c'est ça. Donc, il va veiller aux intérêts des étudiants chercheurs aussi, parce qu'il y en a beaucoup au cycle supérieur. Ça s'adresse pas nécessairement aux personnes qui travaillent, en fait, tu sais, pour des professeurs, ce truc-là, non? Non? C'est vraiment académique? C'est académique, c'est ça. OK, vraiment, les notes, ce truc-là. C'est ça, voilà. Okay. Puis, ben pas juste les notes, mais juste ceux qui font de la recherche dans le cadre de leurs études. Ça fonctionne aussi. Pas ça fonctionne, mais c'est concerné aussi. C'est une personne qui va s'occuper d'organiser des activités aussi pour que ces personnes-là sont pas toutes... On les voit moins sur le campus, évidemment, parce qu'il y en a qui travaillent à la maison, il y en a qui travaillent dans des laboratoires, tout ça. Sauf que ces personnes-là, quand même, sont étudiantes, donc ça leur prend un... faut penser à eux aussi. Donc, il y a des activités qui sont organisées. Notamment, il y a un 5 à 7 vin fromage pour les cycles supérieurs qui est organisé. Il y en a eu l'année passée. Il y en a eu un cette année, c'est le 13 octobre. Le 13 octobre. Voilà. Ouais. Puis, ces étudiants-là vont être invités, évidemment. Là. Donc, c'est cela. C'est pas mal ça que ça implique. Sauf que si vous allez voir sur le site de l'AGE, puis sur la page Facebook de l'AGE, puis aussi sur les babillards au courant de la journée, il y a la fiche de mise en candidature qui décrit l'extrait des statuts règlements de l'AGE qui concerne ce poste-là. Okay. Donc, avec toutes les tâches, toutes les l'implication nécessaire. Et ça, cette personne-là, en fait, va être élue en CA? Oui, c'est ça. Dans le fond, selon les... selon les modalités de la politique électorale, lors d'une élection partielle, ben c'est le conseil d'administration qui va élire la personne, peu importe le poste. C'est ça qui a été fait pour la présidence le 18 septembre dernier. OK. Donc c'est bien aussi que la personne se prépare, en fait, peut-être clarifier ses intentions. Ben, tout à fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a une élection partielle, la personne a un temps donné pour se présenter, évidemment, pour essayer de se rendre. C'est une élection, là, c'est une mini-campagne électorale. C'est ça, exactement. C'est ça, donc la personne a à se préparer. Okay. Évidemment, si elle veut se présenter, c'est parce qu'elle doit avoir des intérêts et une certaine volonté pour le faire. Le conseil d'administration spécial va avoir lieu le vendredi 19 octobre. L'heure reste encore à déterminer, mais ça va être là. Donc, comme je l'ai dit, les personnes intéressées ont jusqu'à la veille, donc le jeudi 18 octobre, 17h, pour amener les formulaires au bureau de la GE. C'est ça. Formulaire qu'on trouve sur à vos bureaux. À nos bureaux, sans plein ça. Vous croisez n'importe quel officier, là, il va pouvoir vous donner les documents. Puis, c'est pas mal ça pour la vice-présidence académique aux affaires académiques des cycles supérieurs. Okay. Il y a aussi, comme certains l'ont peut-être lu dans le Zone Campus, oui. Où, en fait, juste sur le blog, en fait, là. C'est ça. Sur le blog du Zone Campus, il y a la vice-présidence aux communications aussi qui a remis sa démission dimanche dernier. Malik. Mais oui. Il était là depuis. Il a fait un mandat complet l'an passé. Puis, dans sa lettre là, qui a été publiée justement sur le blog du Zone Campus, il explique que c'est vraiment sa décision. Au niveau vraiment académique. Oui, il finit en ingénierie cette année. Puis, il y a un horaire extrêmement chargé. Donc, c'est avec beaucoup de peine là, qu'il va quitter ses fonctions lorsque son remplaçant ou sa remplaçante sera élu. Je trouve que Malik, en fait, c'est un bel exemple. C'est un étudiant qui n'était pas du tout impliqué au niveau de l'AGE. Souvent, tu sais, en fait, c'est un peu les mêmes gens qui tournent autour de l'AGE. Ouais. Malik arrivait vraiment de nulle part. En fait, c'est ce qu'il m'a confié aussi. Et il a appris de A à Z. En fait, là, pour les étudiants, que ça peut intéresser. C'est faisable. En fait, c'est une belle réussite. Malik qui était super gentil. C'est ça. Je m'entends super bien avec. Puis, on a bien de la peine. Ouais, puis, ouais. Évidemment, la personne qui est intéressée à la vice-présidence aux communications, ben c'est une personne qui doit avoir des compétences en matière de communication. Donc, petite communication, médias sociaux, en graphisme aussi, en développement web. Là, ça peut être très pertinent, évidemment, puisque la personne s'occupe des communications. Donc, doit s'assurer aussi des bonnes relations, en fait, là, un peu avec toutes les instances pour que la communication se fasse bien. Là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, oui. Évidemment, oui. Ben, c'est ça. Oui. Donc, c'est la personne qui va penser les communications de la GE pour essayer de les améliorer constamment. Ben, en gros, c'est ça. La communication, c'est la personne qui s'occupe de l'affichage. Facebook. Sur Facebook. Ah, un étudiant qui est sur Facebook parce que c'est sa job et non pas pour se divertir. Donc, Facebook, Twitter, là, parce que la GE a aussi un compte Twitter. Oui. Donc, s'occupe de tout ça. Il entretient l'image de la GEQTR. Il siège aussi au conseil d'administration du groupe des médias étudiants. C'est vrai, tu l'as mentionné. Oui, tout à fait. Puis, en gros, c'est ça. Là, communication, je pense que le poste, le titre le dit assez bien. Pour les personnes, oui, je t'avais... En fait, il est en lien aussi avec tous les administrateurs, peut-être, j'imagine, de la GE. Pour les communications, ça passe un peu par lui. Chaque officier transmet ses messages, essaye de faire circuler ses messages aux associations par notamment les administrateurs. On a tous des messages à faire passer. Moi, par exemple, je suis en charge de l'Assemblée générale annuelle, donc c'est sûr que les administrateurs transmettent le message aussi à leurs membres. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas propre à un officier. Là, donc on passe tous des messages aux administrateurs pour que ça se rende au plus d'étudiants possible. Pour ce qui est des mises en candidature, c'est exactement la même chose que j'ai dit pour la vice-présidence aux affaires académiques des cycles supérieurs. Ils ont jusqu'au jeudi 18 octobre 17h pour remettre le formulaire de mise en candidature rempli, signé par avec au moins 60 signatures d'étudiants, ce qui équivaut au quorum là, lors des assemblées générales. Mm-hmm. Donc, politique d'implication des officiers, lui signé, politique électorale, lui est signé, ainsi qu'une photocopie de l'horaire étudiant, puisque les personnes intéressées doivent être étudiantes à l'UQTR. Et c'est la même date pour les deux postes, mais on postule pour deux postes, non? Hein? Personne ne va postuler aux deux postes. Mais est-ce que tu peux? Personne pourrait? C'est une question. je pense que non. Personne ne va avoir les compétences. Je connais pas les technicalités, je pourrais pas vous dire exactement dans la politique électorale par cœur ce qui est mentionné, mais... Puis j'imagine pour le cycle supérieur, il faut idéalement être un étudiant de cycle supérieur. Non, il n'y a aucun prérequis là, à ce niveau-là. Ah. Donc, pour peu importe le poste de la GE, le poste d'officier de la GEQTR qui intéresse une personne, le seul prérequis est d'être étudiant à l'UQTR. OK, parfait. Puis de respecter la politique électorale pour la campagne, les mises en candidature et tout. Oui, voilà. Génial. Donc, ça, c'est pour les postes à combler. Oui. On a aussi l'assemblée qui a lieu aujourd'hui même. Oui, donc, assemblée générale annuelle de la GEQTR qui va être au 10-12 Néribourg-Chemin. À 13h. Il y a une levée de cours de 13h30 à 17h. Mais ne vous en faites pas, allez quand même à votre cours de midi, qu'on disait. J'ai lu qu'on pouvait se présenter à son cours. Est-ce que c'était midi qui commence le cours? Il y avait Les cours commencent à midi, puis la levée de cours est à 13h30. Donc, les personnes, évidemment, peuvent se rendre... doivent se rendre, parce que... Techniquement, ils doivent s'arrêter. Bien, on allait à l'Assemblée générale. Mais le cours va arrêter à 13h30. Oui, les profs... À moins qu'il y ait des évaluations. S'il y a des examens, ça, les profs... Les laboratoires les aussi. Les tiennent quand même. Non? Je pense qu'il y a les laboratoires aussi, mais en tout cas, il y a certaines. Si c'est un cours bien ordinaire, il est arrêté. Okay. Puis, donc, c'est deux moitiés de cours, la deuxième moitié du premier cours de l'après-midi, puis la première moitié du deuxième cours de l'après-midi. Donc, de 13h30 à 17h. Je peux vous faire. Idéalement, ça se termine avant. Là. Bon, on peut jamais prévoir, en fait, là, parce que l'ordre du jour reste ouvert. Donc, si les étudiants. Veulent rajouter des points. Lors de la lecture et de l'adoption de l'ordre du jour, les étudiants ont le droit d'ajouter des points. Donc, l'ordre du jour reste ouvert, fait qu'on. On sait pas, on peut jamais prévoir à quelle heure ça va terminer, tout dépendant du nombre de points qui sont ajoutés, tout dépendant du point du temps consacré à chacun des points selon les interventions des personnes qui vont être présentes. Fait qu'on peut pas vraiment prévoir. Voilà. C'est important que les étudiants amènent leur carte étudiante pour qu'on puisse... Ouais, même juste avec leur code, ça fonctionne pas, ça prend absolument la carte. Mais c'est qu'on va avoir, comme à l'Assemblée un lecteur spécial... C'est ça, on va avoir un lecteur de carte, oui, tout à fait. Ah, ça va aller plus vite? Oui, c'est ça. Donc, la petite personne fait bip-bip, ça nous dit que l'étudiant est bien étudiant, il signe sa feuille, prend ses documents, son petit carton de vote et va s'asseoir. OK. Et voilà. Si quelqu'un qui n'a pas sa carte peut quand même rentrer, j'imagine, comme observateur. Comme juste observateur. Derrière une barrière. Ben, les observateurs sont évidemment acceptés. Là. C'est juste qu'ils ne sont pas assis à la même place puisqu'ils n'ont pas le droit de vote, les observateurs. Je peux vous faire une petite lecture de l'ordre du jour, si vous voulez. Donc, en point 1, on a l'ouverture de la réunion. En 2, nomination du président et du secrétaire d'Assemblée. Il s'agit de, à la présidence, Charles Plourde-Leblanc, un ancien officier. Okay. Puis le secrétariat d'Assemblée, Audrey Martel, qui est une étudiante qui a déjà été secrétaire pour des conseils d'administration. Okay. Ensuite, ça peut pas être des officiers. Non, c'est parce que nous, en fait, le président, la présidence d'Assemblée et le secrétariat n'ont pas le droit de parole. Le président va veiller à ce que les règlements, à ce que tout se déroule dans l'ordre, mais il n'a pas le droit de parole. Okay. À moins qu'il soit interpellé. Non, ça n'a pas. Personne n'a lui posé de questions, en fait. Là. C'est pour ça que les officiers, idéalement, ne sont pas au président parce qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. On a le droit de vote aussi. Là. Ouais. Puis parce que, c'est ça, secrétaire, président, on n'a pas le droit de vote, on n'a pas le droit de parole non plus. Fait que s'il y a des questions qui nous sont adressées, évidemment, c'est pas idéal. Voilà. Donc après ça, lecture, adoption de l'ordre du jour. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'ordre du jour est ouvert. Fait que si un étudiant veut ajouter un point, il y a quelque chose. Qui veut aborder en Assemblée générale, mais il l'ajoute à ce moment-là, puis c'est cela. Ensuite, on a en point 4 l'adoption des procès-verbaux des Assemblées générales de l'an passé. On a celui de l'Assemblée générale annuelle du 28 septembre. Il y avait eu une Assemblée générale de vote de grève le 13 octobre. Ensuite, il y avait eu deux Assemblées générales spéciales le 8 février pour des modifications au statut de règlement. Puis l'Assemblée générale de grève le 14 mars. Donc, cinq procès-verbaux à adopter. Okay. Ensuite, présentation du conseil exécutif et des priorités de l'année. Ça, c'est vous autres? Oui, ça, c'est nous. OK, parfait. Dans le fond, c'est la présidence qui va présenter les priorités ainsi que les officiers. Ensuite, les états financiers de l'année 2011-2012. Un avis de motion pour des changements au statut et règlements généraux qui seront discutés lors d'une prochaine AG. Un avis de motion sert à présenter, à avertir les gens de ce qui s'en vient. Donc, il y a un document qui va être présenté. On va dire aux étudiants, voilà ce sur quoi vous allez avoir à vous positionner lors d'une prochaine Assemblée générale. C'est ça. Okay. On les avertit. Ensuite, varia, donc des annonces. Puis ensuite, le levée de l'Assemblée. Génial. Party! Voilà. C'est ça. Party. Très intéressant, puis c'est très pertinent. Oui, tout à fait. Donc, c'est à partir de 13h cet après-midi. Oui, à partir de 13h. Une levée de cours, en fait, les étudiants n'ont pas de raison de pas se présenter. C'est ça. Une levée de cours n'équivaut pas à aller faire ses travaux maison. Non, c'est donc, ça, exactement. La levée de cours est expressément accordée pour ça, donc... Pourquoi ne pas se présenter? C'est au 10-12. Voilà. C'est l'après-midi. À partir de 13h. Apportez votre carte étudiante. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? D'autres choses? Je pense pourquoi que c'est j'ai en mis masse, un hein? R là? Oui, c'est en masse. Donc voilà. Cool. La semaine prochaine, on parlera de d'autres affaires qui auront lieu, peut-être des activités ou des trucs bon, comme on va parler ça. D'activités la semaine prochaine. Parfait. Hein? Donc là, c'est l'AG. Après ça, on n'en parle plus. Voilà. Jasmine Raymond-Léville, merci beaucoup. Ouais, merci. Plaisir. Bonne journée. Et bonne assemblée, bien merci. Sûr. Dans quelques minutes, on fera la chronique de Maxime Bilodeau. D'une foulée à l'autre, on a aussi « Tu manges mon cœur » à faire d'ici la fin de l'émission. Pour l'instant, voici Fanny Bloom. Et un extrait qu'on n'a jamais entendu à l'émission, voici « Mille pertuis ». Air guitare ou encore Air Cat dans ton cas, je trouve. Air Cat. Hey, ça ressemble un peu d'un mec. Ah, peut-être un petit peu, hein? Un petit peu. Fanny Bloom, Mille Pertuis, c'est un extrait qu'on n'avait jamais entendu à Assemblage Requis. C'est très bon. Ben oui, on aime ça. Oui. Maintenant, tiens, parlant de choses qu'on aime. Oui. Voici Tu manges mon cœur. Mange mon cœur, c'est la chronique des coups de cœur des animateurs d'Assemblage Requis, François-Olivier et moi-même, Mathieu Plante. Et on va commencer, comme toujours, par toi, François-Olivier, parce que t'es pas mal plus important que moi. Là. Oh, arrête donc. Oh, pas Mathieu. De raison. Hey, je te parle en fait d'un nouvel album qui est sorti. Je pense que beaucoup de monde l'attendait. Oui. On n'a plus entendu parler, par contre. Pas tellement, non. Ce qui est quand même surprenant. Mumford & Sons, qui a sorti son dernier disque le 24 septembre dernier, intitulé Babel, fouille-moi pourquoi. Écoute, j'ai pas cherché. Non. Ça m'intéresse pas de savoir le pourquoi. Comme la tour de Babel, là. Ouais. Ce que je voulais entendre, c'était la musique. Et puis, écoute, hier, j'ai fait une brève écoute. J'écoutais un peu les pièces. En diagonale. Non. Ben, au complet, mais pas tant de fois que ça. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, il y a 12 pièces sur l'album. Et puis, est-ce qu'il est assez long, l'album? Est-ce que tu l'as trouvé court? Ben, ça dépend. En fait, là, écoute, faut que t'aimes du Mumford & Sons. C'est du Mumford & Sons. C'est dans le genre, ouais. Des fois, c'est relax. Des fois, c'est un peu plus enjoué. D'ailleurs, la pièce que je vous présente ce matin s'intitule Below My Feet. C'est une des plus réussies. Ça débute doucement et puis ça se termine... Ça bouge à la fin. Ouais, en fait, t'atteins quelque chose et puis tu vas voir, c'est très bien. Bref, faut que t'aimes Mumford & Sons. Et toi, c'est ton cas, donc ça te... Ouais, j'aime ça. Ça fit bien. Je trouve que c'est un bon groupe, sincèrement. Écoute, je comprends qu'il y a des gens qui aiment vraiment pas ça. Les avis sont très partagés. Mais c'est ça, des fois, on entend le. Comment dire? La phrase, tu sais. Ah, tous leurs albums se ressemblent, ou tu sais. Ben, c'est Caroline, sûr. Si tu l'aimes, le premier album, tu veux que les autres soient pareils? C'est ça. Ben. Dans certains cas, pas tout le temps. Ouais, dans certains cas. Écoute, je peux comprendre que des fois, tu trouves que ça ressemble peut-être trop à l'autre. Si les écoutes en shuffle, c'est pas mal du Mumford & Sons. Tu pourrais pas dire c'est sur quel album, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais bref, écoute, pour moi, c'est quand même réussi. C'est un album, écoute, c'est un groupe qui s'écoute bien, que tu sois avec ta blonde, que tu sois tout seul, que tu sais, bref, écoute, que tu sois avec ton petit gars. Pour vrai, c'est comme la musique qui fit bien et c'est de la musique qui est quand même accessible pour... je dirais intergénération. Oui. Exemple, ma mère, c'est quelque chose qui est quand même accessible. C'est pas quelque chose qui va être agressant. Donc, c'est plaisant dans ce sens-là. En fait, ça l'emprunte aussi de la musique comme ça, je trouve. À mon avis, personnellement. Je sais pas, est-ce qu'on va l'écouter maintenant? Ben oui, Mumford & Sons avec Below My Feet à l'instant. Après ça, c'est mon coup de cœur après. OK. OK. OK. That's you. Ça serait le fun si les chats parlaient. Bon, je sais pas. Ouais, c'est... Ah, c'est j'ai faim, pas... j'ai faim, ouais. J'ai faim. You were cold as the blood through your bones. The light which led us from our chosen home. Well, I was lost. Now I sleep the hours that I can't weep. And all I knew was steeped in blackened hopes. Well, I was lost. Be well. Just give me keep my eyes to serve, my hands to learn. Keep my eyes to serve, my hands to learn. Mumford & Sons et la pièce Below My Feet. Je me rappelais pas du titre. Ouais. Donc voilà, en fait, je sais pas comment t'as trouvé ça, Matt. C'est bon, Mumford & Sons. C'est ça, ça sonne typiquement Mumford & Sons. Je te dirais que je m'attendais à rien de moins. C'est ça. La façon dont tu m'en as parlé, et t'aimes ou t'aimes pas. En fait. C'est ça, j'aime bien. Je te dirais pas que je trippe, mais j'aime bien. Ok. Ouais. Bon, ben. Je vais garder mon coup de cœur pour après la chronique de Maxime, je pense. Mais ben, ton coup de cœur, c'est Maxime. C'est Maxime. Déjà en partage. Je suis touché, les amis. Ah, ça fait plaisir. Mais faut absolument le faire d'ici la fin de l'émission. Ben oui. Pour l'instant, on prend une pause. On revient tout de suite avec Maxime Bilodeau qui nous parle de chaussures de course à pied, encore une fois. Oui, cette fois-ci, on va s'attarder à un côté un peu plus concret et pratique des choses. Oh, dans la vraie vie, là. Dans la vraie vie, là. De vrai, de vrai, là. Avec de vrais souliers. Avec de vrais souliers, j'en peste encore ouais, une fois ce matin. On va les sentir en direct en ondes. Tu fais ce que tu veux, Matt. Fais ce que tu veux. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Vincent Landry sera avec nous pour sa chronique politique Logocratie 101. On parlera de la semaine pour l'école publique avec Claire Pimparé, Pascal ou elle-même. Et on se créera des besoins dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est demain, de 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Il est 8h37 à Assemblage requis. On parlait de chat, là, en rond, là, Caroline. Tu sais, Maxime est arrivé exactement au moment où on parlait de chat, tu sais. Puis là, François, est-ce que Maxime t'aime les chats? Ça me laisse indifférent, disons. Mais je commence à penser que vous avez un biais envers les chats, parce qu'à chaque fois que je viens ici, il y a tout le temps une conversation de chats à quelque part. C'est très récurrent. Moi, je te dirais que j'apprécie beaucoup les chats. Oh! On se peut plus, hein? Ouais. Salut! Salut! Eh boy, il est reparti. Ouais, un peu comme un chat, on va marcher tranquillement, mais à pattes de chat, faire d'une foulée à l'autre. Maxime Bilodeau, je veux dire Maxime Bilodeau. Oh, t'as l'air. Je pense que tu fais exprès, là. Je pense que oui. Vraiment. Donc, aujourd'hui, on continue sur les souliers de course à pied, finalement, qu'on a commencé la semaine dernière. Bien sûr, on va continuer, on va faire du pouce sur ce qu'on a commencé la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a parlé de la partie un peu plus fondamentale de la chose, un peu plus idéologique. Cette semaine, on va parler de l'aspect un peu plus pratico-pratique, un peu plus concrète. Donc, c'est un peu la chaussure de course à pied appliquée, si on veut. Ah-ha. Donc, j'ai emmené, comme tu l'as dit tout à l'heure, des chaussures en studio. Je vous les montrer une après l'autre. Et selon les catégories, parce qu'on va tous les passer, je vais tous vous les montrer. Je vais dire c'est quoi un peu les caractéristiques, puis en quoi elles se différencient les unes des autres. Okay. Et peut-être que ça va aider nos auditeurs à pouvoir eux-mêmes faire leurs achats de chaussures en magasin. Dans le fond, c'est un peu un guide d'achat, si on veut, quelque part. Ben, ça, c'est nécessaire, parce que les gens achètent des souliers vraiment cheap. Oui, voilà. Voilà, c'est très facile. C'est très facile. Il y en a tellement quand on rentre en boutique. Ouais. Ah, c'est ça, exactement. Et puis, les personnes qui les vendent sont pas toujours effectivement. C'est des gens qui n'ont pas de formation. Ils ont une formation donnée par les compagnies. Donc, les compagnies, c'est mon produit est le meilleur. Donc, je te bourre le crâne avec mon produit qui est le meilleur. Donc, à quelque part, il y en a beaucoup qui manquent de nuances, il y en a beaucoup qui manquent de formation. Et surtout quand on s'en vient dans un domaine plus précis, comme la chaussure de course spécifiquement. Là, c'est patent, on en entend de toutes les couleurs. Là. C'est, pour presque personnellement avoir travaillé dans un magasin de chaussures l'été dernier, ben, je le cacherai pas, effectivement, on en entend des assez comiques parfois. Ouais. Oh boy. Oh boy. Non, hey. Justement, vas-y, François. Ben, en fait, je regarde un peu les souliers que tu nous as amenés ce matin. Oui. Est-ce que c'est tous des souliers minimalistes? Non, ce ne sont pas tous des chaussures minimalistes. J'aurais tendance à dire oui. Non, effectivement, ils ont des petites subtilités. Je vais vous les passer les unes après les autres. Juste commencer par faire une petite mise en garde, un petit disclaimer, quelque question d'éthique. Dire c'est quoi un peu mes positions là-dedans. Parce que qui suis-je pour parler de chaussures? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai vendu de la chaussure. Ça ne me qualifie pas comme on a bien dit. ça ne va absolument rien dire quelque part. Sauf que j'ai quand même dealé avec ça. Donc, j'en ai fait, j'ai été sur le terrain. Tu sais comment ça fonctionne? Je sais comment ça fonctionne en backstore, je sais comment ça fonctionne la vente sous pression, etc., etc. Je sais tout ça. Également, je suis, comme je vous l'ai dit en tout début de saison, je suis également étudiant en kinésiologie, donc je connais un peu le corps humain, l'activité physique. Donc, à quelque part, je m'intéresse à tout ce qui est études sur la chaussure de course. Donc, ça me donne, je pense, une certaine crédibilité. Et dernier point, surtout, je suis un athlète et un coureur amateur. Oui. Donc, j'ai couru et... J'ai couru, j'en ai couru plus qu'une paire. Une paire de chaussures. Et moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Mathieu, tu as résumé le tout. Et également, un autre point, en étant étudiant en kinésiologie, bon, c'est entraînement. J'applique sur moi mais ce que je lis. Donc, ben oui. Je suis mon propre laboratoire, si on veut. Donc, je me suis blessé à plusieurs reprises en faisant beaucoup de conneries, comme j'ai fait des bons coups. Donc, à quelque part, je peux vous dire que telle chaussure est bien pour faire ça, mais que pour une autre affaire, oubliez ça, vous courez après le trouble. Donc, ceci étant dit, allons tout de suite. Une petite remise en contexte à ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc, chaussure minimaliste, chaussure qui se rapproche du pied nu. C'est une chaussure qui est très, très épurée. C'est une chaussure qui laisse place beaucoup à l'adaptation et qui est de plus en plus en vigueur dans le marché. Et chaussure traditionnelle ou maximaliste, qui est son opposé complètement. Semelle épaisse, grosse chaussure. C'est ce qu'on a la plupart connu. On les appelle également des chaussures TAP, TAP, pour talons absorbants avec technologie antipronation. C'est un petit acronyme comme tel. C'est catchy comme nom. C'est très catchy comme nom. D'ailleurs, l'inventeur est très catchy. Mais peu importe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre ces deux chaussures-là, il y a tout un continuum de chaussures. Donc, c'est ce que je vais vous parler. Chaussures traditionnelles, bon, je n'en parlerai pas plus qu'il faut. Je vais juste vous donner un peu ses caractéristiques. C'est une chaussure avec beaucoup de technologie. C'est une chaussure qui, côté poids, pèse grosso modo 600 grammes la paire pour une paire de chaussures neuves. 600 grammes, veux pas, c'est la pas... La paire, là, 300 grammes chaque pied. 300 grammes chaque pied, c'est, dites-vous qu'à chaque 100 grammes qu'on ajoute au bout des pieds, la consommation d'oxygène augmente exponentiellement. Ça fait qu'on force plus, puis c'est plus fatigant. Donc, plus que la chaussure est lourde, c'est le parallèle que je vous ai dit la semaine dernière. Je vous mets un dictionnaire versus une canne de conserve au bout d'un bras. Le dictionnaire va vous peser bien plus que la canne de conserve. Non, c'est sûr. Mais s'entraîner avec un dictionnaire, puis après ça, tomber dans les compétitions avec une... Ça peut faire, mais plus ou moins parce que ça respecte pas un principe qui est la spécificité, dans le fond. Okay. Également, une autre notion qui est importante quand on parle de chaussures, c'est une notion qu'on appelle heel to toe. Heel to toe, c'est le dénivelé entre l'avant et l'arrière de la chaussure. Donc, mettons, je prends la chaussure ici, messieurs. Au niveau du talon, c'est ce qu'on appelle le heel et le toe, c'est vraiment ce qui est en avant ici. Et la semelle est uniforme d'un bout à l'autre du pied. Et uniforme, sauf qu'il faut comprendre qu'il y a un dénivelé dénivelé là-dedans. Okay. Plus que le dénivelé est élevé, plus que ça fait comme une sensation de talon haut, si on veut. Okay. Donc, plus qu'on est près du sol, minimaliste, on est à 0 mm de dénivelé. Donc, ça, on est vraiment flat. C'est plat, là. Plat versus une chaussure qui est traditionnelle. On va jusqu'à du... généralement, c'est du 12 à 16 mm, à peu près, une traditionnelle. On peut aller jusqu'à des affaires comme 40 mm. Là, 40 mm, on commence à vraiment parler d'un talon haut. C'est vraiment ça, là. Mm-hmm. Donc, c'est une chaussure également, une chaussure traditionnelle qui est très peu flexible. Donc, je vais vous reprendre l'exemple ici. Hop là, et voilà le micro. Tiens, cette chaussure-ci ici, qui est la catégorie juste en dessous, qu'on appelle une light trainer, c'est une chaussure qui est relativement flexible, mais qui n'est pas aussi flexible que ça. Non, ça se plie quand même au milieu, mais au moins, ça ne plie pas ailleurs. Ça se plie au niveau du talon, plus difficile. Est-ce que ça se tord? Ça se tord, oui. Ça se tord un peu, mais encore là, on sent une certaine rigidité, une certaine résistance. Okay. Une chaussure traditionnelle, ça va être encore plus résistant que ça. C'est vraiment, c'est rigide, c'est frigide. Ça tient le pied, vraiment. Et voilà, ça tient le pied. Les poseurs t'adorent ça. également au niveau de la cage orteil qu'on regarde une chaussure. La cage orteil, c'est le bout de la chaussure. C'est, comme ça le dit, où sont les orteils. Il faut que ça laisse beaucoup de place aux orteils, optimalement, pour pas qu'il y ait justement de pathologies qui soient formées, là, qu'il y ait du rion, qu'il y ait de la corne, qu'il y ait tout ce qui est des hallux valgus ou des quintus varus, peu importe, au niveau des orteils. Donc, ça, c'est tout ce qui est la cage orteil. Ici, sur la chaussure Light Trainer, qui est la catégorie juste en dessous, c'est une cage orteil qui est moyenne, si on veut. Elle n'est pas excessivement grande, mais elle est correcte. Et pas petite non plus. Non, et voilà, on va là-dedans pour le mettre régulièrement, le soulier, on a de la place. On sent qu'on peut écarter on peut regarder les orteils et faire dans le fond les étoiles. Ouais, voilà, comme ça on peut faire une petite étoile dans la neige. Ouais. Voilà. Puis finalement, le prix pour la chaussure traditionnelle. Absolument, une chaussure traditionnelle, c'est les plus chères sur le marché parce que c'est celles-là qui ont plus de matériaux, qui ont plus de technologie et compagnie. Donc, on est dans des affaires au-dessus de 160$ habituellement. Et ça coûte cher. C'est pas tous les modèles, mais plusieurs comme modèles. Comme celle-là, environ 160-150. Ça ici, ce que j'ai, ce qui est une light trainer, ma catégorie juste en dessous, Saucony Kinvara, c'est grosso modo 130-140$. Okay. Donc c'est un peu moins cher. C'est pas si pire que ça. T'sais, François, mettons, tes souliers, tu dois les payer genre 15-20$. Non, 100. Ah, pour vrai? Okay. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des souliers en bas de 30$. Oui, effectivement. Puis c'est pas une mauvaise chose aussi, à quelque part. Ça dépend tout le temps de l'utilisation qu'on en fait, puis comment qu'on veut payer le produit. C'est tout le temps le principe de j'achète une tomate à l'épicerie, elle va goûter le carton, versus j'achète une tomate qui vient du fraîchement cueilli des champs dans la saison. Elle va être fraîche, elle va être bonne, elle va goûter carrément autre chose. Donc c'est. Est-ce qu'on veut payer pour la qualité? Est-ce qu'on veut? Ça t'importe pas, tu vas avec le. Et voilà. Ça, c'est vrai dans tout. C'est pour ça que les Dollarama existent, d'ailleurs. Prochaine catégorie de chaussures, la Light Trainer que je vous parlais. Donc, c'est une chaussure qui se définit comme ressemblante à une maximaliste, à une traditionnelle, sauf qu'un peu plus légère. Donc, je vais te la passer, François, ici. C'est une chaussure qui est relativement légère. Ouais, c'est léger. Ce qui est, comme je vous l'ai montré tantôt, relativement flexible. Très peu de technologie dessus. Donc, vous voyez pas qu'il y a de contrôle de pronation dessus. Rien. C'est juste une chaussure relativement basic. Tout ce qui est également l'empeigne, le dessus de la chaussure est relativement structuré. On sent qu'il y a quand même une bonne structure, mais... Mais c'est mou quand même. C'est mou pareil. Et voilà, c'est ce genre de chaussure-là pour qu'on fait une transition de traditionnel vers plus bas, dans le fond. C'est habituellement la première étape qu'on fait. OK, quand on veut diminuer, on va retrouver ces sensations de la traditionnelle, sauf qu'on va quand même encore avoir quelque chose de plus léger, puis quelque chose qu'on va se retrouver dedans. Donc, c'est un beau compromis. C'est grosso modo 450 grammes la paire pour une paire de 9. Donc, 150 grammes moins cher que l'autre. Désolé, il y a un petit peu de sable dessus, effectivement. Le heel toe, dans le fond, dénivelé avant-arrière de la chaussure, c'est grosso modo de 4 à 6 mm jusqu'à 10 mm. Donc, 4, 6 à 10 mm. Okay. Donc, c'est standard, ça? Déjà là, 4, 6 mm, 4, 6 à 10 mm, c'est déjà plus bas, on est très loin du 40 mm de tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un extrême là, mais c'est quand même, on le sent quand même qu'on a quand même, on est un peu surélevé. Est-ce que ça affecte les tendons? Je sais que le talon est relié avec un muscle en arrière. En fait, c'est que plus que le dénivelé talon-orteil est élevé, plus qu'on va avoir tendance à faire ce qu'on appelle une attaque talon. Oui. Donc on va marcher avec le talon en premier. Ouais, et voilà, on va écraser plus avec le talon, et puis ça, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça va plus solliciter les muscles, la chaîne, dans le fond tout ce qui, ça va épargner les muscles de la chaîne postérieure, dans le fond. La jambe, le pied, puis ça va solliciter les genoux, la hanche et même le dos. Donc, quand on fait trop d'attaque talon, c'est pas rare qu'on va se bondre avec des mal de genoux, des mal de dos, etc., etc. Je prends ça en note. C'est ça m'arrive, une bonne chose à savoir. Comme je vous l'ai dit tantôt, un petit peu plus de flexibilité. La cage orteil un peu plus grande. puis le prix, 130-140$ à peu près, la Light Trainer. Donc, c'est un beau compromis. Catégorie juste en dessous maintenant, la Racer. La Racer, comme ça le dit, c'est un chaussure plus de race, de compétition. Puis, c'est une chaussure qui est vraiment clairement plus faite pour aller plus vite. Aérodynamique. Les deux se ressemblent, ben. Les deux se ressemblent, oui, sauf que au niveau du poids, c'est très différent et également au niveau de la flexibilité. Flexibilité un peu plus flexible, okay. On le tord un peu plus. Ou également au niveau du dénivelé qui est très différente. Je vais te la passer, François. C'est une chaussure qu'on faire la compétition, faire même la compétition sur piste, la compétition sur route, quand on veut aller un peu plus rapidement, des intervalles. C'est le genre d'utilisation qu'on va faire un peu plus avec ça. Le prix, ça va ressembler à la Light Trainer, peut-être une dizaine de dollars de moins. Donc 120-130$ à peu près. De toute façon, t'achètes pas ça pour économiser 10$, t'achètes ça parce que t'as besoin d'avoir ce genre de chaussures. Ouais, et voilà, et voilà. Ça, c'est le genre de chaussures que on peut aller jusqu'à un marathon avec ça. On peut. Tant qu'à moi, c'est le meilleur des compromis de toutes les chaussures, dans le sens que la plupart des gens qui ont été beaucoup habitués aux chaussures traditionnelles vont. Vont quand même se retrouver là-dedans. Vont se retrouver là-dedans, puis vont pas. Le minimaliste est très extrême. On sent qu'on a aucun support au niveau du talon. Puis quand on est habitué à ça, veut pas, ça fait une très grande différence. Ouais. On sent que la Racer, c'est la chaussure la plus réactive dans la gang. Pour avoir un certain nombre d'années de course derrière la cravate, je peux vous dire qu'effectivement, c'est pour la plupart des gens le meilleur des compromis. Okay. Mais ça, est-ce que tu porterais ça à tous les jours dans. Pour aller travailler. Dans la rue, pourquoi pas. C'est sûr, okay. Un principe qui est très très important quand on achète chaussure de course, c'est chaussure de course, on la dédie à la course. Okay. On fait pas jardinage avec ça, on va pas. C'est vraiment chaussure de course, c'est pour la course. Okay. Donc, prochaine catégorie de chaussures, c'est la chaussure minimaliste. Donc, déjà, flexibilité, vous voyez que c'est... Ça se tord comme une débarbouillette. Ça se tord, ouais. Je peux la... Il y a plié en deux, puis il y a ça, tu cours pas avec ça. Oui, tu cours avec ça. Ouais. Oui, oui, oui, tu cours avec ça. C'est très, très, comme ça dit, c'est flat, aucun dénivelé. C'est très, très léger. Je vais te la passer c'est ici. C'est comme un gant, là, pour le dire. Voilà. Il est plus lourd que l'autre. Et voilà. Oui, ce modèle-là, malheureusement, n'est pas dans les plus légers. Puis c'est pas comme la qu'on avait parlé, la Five Fingers avec les cinq doigts d'orteil. Celui qui ressemble, c'est ça, à une mitaine. Oui, voilà, voilà. Un pied. Ouais. Et voilà. Puis, dans le fond, c'est un peu inspiré de celle-là ici. Celle-là, c'est malheureusement pas la plus légère. C'est un type de chaussure qu'on va peut-être, pour le commun des mortels encore là, à moins d'être très bien habitué, on va peut-être pas aller courir des très longues distances avec ça, mais plus des petits joggings de récupération, quelque chose de plus léger. Parce que, surtout, c'est une chaussure qui laisse pas beaucoup de place à l'installation de la fatigue. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je trouve important. C'est que quand il y a une fatigue qui s'installe dans la course, le geste moteur, dans le fond, le geste de course finit par être affecté. Donc, on veut avoir un certain support pour un peu venir compenser ce phénomène-là à quelque part. J'ai vu qu'il y avait un support pour l'arche du pied. Ça m'a surpris parce que le modèle s'appelle Barefoot. Barefoot. Lui, un support, c'est encore là. Si on prend le dessus, on voit que c'est un peu la trace du pied. Au niveau de l'arche plantaire comme telle, oui, il y a une certaine structure, sauf que encore là, c'est très mou, puis c'est pas un support de pronation comme telle. C'est pas quelque chose de rigide. Puis, voyez-vous, je peux même le tordre ici. Donc, c'est très. Ça vient mouler le pied, c'est ce qu'il faut comprendre. Ouais. Donc, chaussures minimalistes, en théorie, c'est les moins chères sur le marché. Comme je l'ai dit, 0 mm, pas de technologie, quelque chose de relativement léger. Habituellement, une chaussure minimaliste, c'est à peu près 300 grammes la paire. Okay. 300 grammes, c'est très léger. Là. On est dans le quasiment rien. Et pour les prix, on parle de combien environ? Une centaine, 110$. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a malheureusement de plus en plus de. Parce que, bon, le prix de l'offre et la demande, ça finit par se niveler dans le marché. Sauf qu'en théorie, ces chaussures-là devraient être moins chères. Donc, il y a également d'autres types de chaussures qui existent. Je vais les passer un peu plus rapidement, celles-là. Il y a premièrement la chaussure qu'on appelle une chaussure de spike. Ça, c'est une chaussure vraiment faite de la piste. Pourquoi? Parce que la piste ou du cross-country, d'ailleurs, il y a des clous en dessous. Il y a vraiment des crampons qui font qu'on a une très bonne grippe sur le sol. C'est une chaussure qui est également là, très peu structurée, qui se rapproche un peu plus de la minimaliste, sauf qu'il y a un léger talon à l'arrière. C'est une chaussure qui est un usage un peu plus spécifique. Je vais t'en passer ici, François. Mais tu parles de pistes, même s'il y a des spikes. Oui, oui, pour pas tous les types de pistes. Pistes en asphalte dur, style années 70, peut-être pas. Donc, pistes avec faites de matériaux synthétiques, qu'on appelle du Mondo. C'est légal, ça, ouais? Oui, et voilà. On a une excellente traction avec ça. Quand on court avec ça, on a vraiment l'impression qu'on est dans une Formule 1. C'est vraiment la Formule 1 des chaussures. Là. Aux Olympiques, les gars, ouais, ils ont tout ça dans les pieds. Ils ont ce type de chaussures-là dans les pieds, des crampons. Tout ce qui est les sports de saut, soit à la perche, soit en hauteur, même le lancer, les lancers du poids, lancer de marteau, etc. Ils ont tous des crampons comme ça. Est-ce que tu les sais? quand tu... Tu sais, les sambas, parce qu'ils rentrent dans le sol. C'est sûr que si tu cours carré sur de l'asphalte, là, tu vas y sentir. Là, tu vas les sentir. Okay. Mais parce que là, tu vas capoter. Là. C'est, t'as vraiment t'as l'impression que t'as quelque chose en dessous. Sauf que quand t'es sur un terrain naturel du gazon, ou t'es sur une piste synthétique, ou là... Tu cours dans vraiment... le bois, ça peut être... ça peut être intéressant. C'est pas une chaussure de trail, bien sûr. Une autre catégorie de chaussures, je n'ai malheureusement pas ici. Chaussure de trail, c'est comme ça dit, c'est une chaussure qui pourrait aller en trail, en sentier. Très rigide. Et voilà, ça, c'est complètement une autre catégorie de chaussures. Fait à noter, tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, like trainer, racer, etc., etc., sont tous des types de chaussures pour la route, exclusivement. Donc, quand on parle de sentier, on parle de complètement d'autres catégories de chaussures. Il existe également sur le marché des chaussures que moi j'appelle des chaussures gadget. Des chaussures qui sont vraiment pas faites comme une chaussure classique. Comme j'en ai une ici qu'on appelle la Skechers Go Run. Sa spécificité à cette chaussure-là, c'est que le point le plus haut de la chaussure n'est pas au talon, mais au milieu de l'arche plantaire. C'est bon, selon c'est... cette compagnie-là, c'est supposé favoriser une attaque un peu moins du talon et un peu plus du milieu du pied. C'est à prendre, c'est à laisser. Moi, personnellement, j'aime bien le concept de cette chaussure-là. C'est une chaussure qui est relativement légère. Il y a plein de types de chaussures comme ça, un peu gadget sur le marché. Donc, ça peut être encore là également intéressant. Donc, il y a également des chaussures multisports qui existent. Donc, ça, c'est complètement quelque chose d'autre. Donc, là-dedans, dans tout ce que je vous ai présenté, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un monde idéal, c'est bien sûr qu'on aurait besoin pas de chaussures, dans le fond, c'est vrai, ou simple que ça. Ouais. Pas de chaussures, une chaussure minimaliste, on pourrait tous courir avec ça, sauf que la réalité étant complètement autre chose. Personnellement, moi, ce que je préconise, c'est d'adapter sa pratique à son type de chaussure. Donc, si on fait des longues sorties, on prend une chaussure un peu plus structurée. Si on fait des sorties un peu plus de vitesse, des intervalles, de la compétition, on prend un autre type de chaussure. Bref, on alterne les types de chaussures, ce qui implique avoir plus qu'un type de chaussure. Vous voyez, moi, j'en ai 5 ici. Ils sont tous à toi, ceux-là. Ils sont tous à moi. Et j'ai voilà. vu que tu avais Skechers, Asics, Merrell, mais je sais que tu as deux souliers de Saucony. Oui, voilà, Saucony, marque un peu moins connue que les Asics, New Balance et compagnie. Moi, personnellement, je cours beaucoup avec du Saucony, okay. mais dans toutes les compagnies, ils font à peu près tous le même continuum de chaussures, okay. adaptées à leur technologie maison et tout, c'est possible d'avoir, de juste courir avec du Asics, juste courir avec du New Balance, juste courir avec du Saucony. Moi, c'est parce que je suis un peu un malade mental de la chaussure. Combien t'as de paires en tout? J'en ai une dizaine de paires, j'en okay. tourne à peu près 4, 5, 6 à l'entraînement régulier, mais pour moi, ils ont tous une utilité spécifique ouais. comme telle. Puis c'est sûr, c'est une maladie aussi, comme dans tout. Là, on en voit, on fait « Ah, j'avoue. » Comme là. Ceux qui ont un iPhone. Et voilà, très bon parallèle, je te dirais. Sinon, comment reconnaître l'usure d'une chaussure? Ouais. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça fait souvent poser cette question-là. Une chaussure qui est utilisée, c'est une chaussure que la stabilité structurelle, l'intégrité structurelle de la chaussure va être affectée. Donc, elle va commencer à être percée, elle va commencer à, clairement, la semelle en dessous va commencer à être rongée, donc elle va comme déformer la chaussure. Ça, quand on est rendu à ce point d'usure-là était à changer. Donc, avant ça, voyez-vous, toutes les chaussures que je vous ai apportées ici, il n'y en a aucune qui est due à changer. Non, mais ça fait longtemps que tu les as? Ça fait une couple de mois. C'est sûr que quand on en a plusieurs paires, on les use moins vite. Reste que, effectivement, quand on s'en sert beaucoup, on fait beaucoup de kilométrage, ça finit par devoir être changé. Quelques conseils pratiques d'entraînement, bien rapidement. Quand on s'entraîne, on essaie de tout le temps avoir une foulée, une vélocité, dans le fond, le nombre de pas, voilà, par minute que l'on fait, de foulées par minute que l'on fait, très élevé. Donc, est-ce autour que tu de calcules 100... ça avec un Oui, c'est très simple à calculer. Dites-vous que dans chaque seconde, idéalement, on devrait arriver à 3 foulées à peu près chaque seconde. Mais t'as pas vite. Foulée, est-ce que c'est... Vite, c'est 1, 2, 3. Foulée, c'est les deux jambes l'une après l'autre? Ben, c'est une foulée, c'est à chaque fois qu'on pose le pied au sol. Donc, chaque pied. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 à chaque fois, ce qui favoriserait une cadence de 180 pas par minute. 170, entre 170 et 180, c'est à peu près un bon compromis. Je vous dirais que la plupart des gens, on devrait viser vers ça. Des cas extrêmes, des pros, ils peuvent aller jusqu'à 180 et plus. Ça demande beaucoup d'adaptation. Par contre, moi-même, je ne suis pas capable de faire cela. Je trouve que c'est pas naturel. La longueur de foulée, ça implique également qu'on va la raccourcir. Si on veut faire plus de foulée par minute. Donc, on va raccourcir. Tout dépendant de ta grandeur aussi. Il y a également une question de grandeur. Effectivement, les gens grands vont avoir plus tendance à faire des longues foulées. Les gens petits vont avoir plus tendance à comparer, par des plus petites foulées. Sauf qu'on devrait viser de faire tout le temps plus des courtes foulées. Et puis, autre petit conseil qui est pratique, qui est en cours, c'est d'écouter courir, le son qu'on fait. Si on fait des... On varge par terre tout le temps, c'est qu'on n'a pas un bon comportement de modération d'impact. On ne modère pas notre impact par nous-mêmes. On, on attaque le sol et on a plus de chances de se blesser de même. Et quand tu cours, c'est sur la pointe des pieds? On devrait viser d'être léger. Donc, c'est un peu de penser comme si on voulait courir léger. Je peux vous donner des images. Tu veux pas faire de bruit? Oui, voilà. Donc, c'est courir, essayer de courir comme un hamster. Un hamster, ça fait pas de bruit quand ça court. Ben, ça fait. Essayer de courir comme un hamster ou comme un chat. Ou, Moi, ça fait de bruit. Ouais, un chat, voilà. Merci. Moi, ça fait de bruit, mieux c'est. Et voilà, en théorie. Sauf que là, ça, c'est pas une roue qui est applicable. Il n'y a pas de moyen de quantifier le bruit ni rien. Mais c'est un bon feedback pour savoir si on attaque bien, si on a un bon comportement de modération d'impact. Je sais que mon bruit à moi, là, c'est je suis plus capable. C'est courant aussi, sauf que à un moment donné, c'est aussi c'est d'être attentif sur son environnement et de peut-être ralentir. Si t'es à bout, ben c'est peut-être qu'il faut que t'alternes course et marche, et, etc., etc. Des petits trucs bien pratiques de même. N'a jamais oublié que le corps s'adapte. Très, très important. Peu importe le stress qu'on va y mettre dessus, le corps va finir par s'adapter. Donc, c'est là un peu le principe de la transition. C'est pas parce qu'on est rendu à un certain âge ou qu'on a certaines conditions que le corps ne peut pas s'adapter. C'est la propre. Il n'est pas trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour commencer, effectivement. Varier les stimuli d'entraînement. Donc, pas tout le temps faire le même parcours, dans le même rythme, dans le même temps. Essayer de varier les intensités, les volumes, les types de parcours pour essayer de diversifier le stress d'entraînement. Si vous n'allez être que plus polyvalent, ça va être juste plus bénéfique pour vous en bout de ligne. Et, pour la motivation aussi, j'imagine. Ouais, voilà, à un moment donné, on finit par devenir un peu blasé de passer. Ouais, voilà, et voilà, au même coin de rue à la même heure à chaque jour, ça c'est un peu trop, too much. Puis, dernier truc que je peux vous donner pour conseil pratique d'entraînement, utilisez vos bras, s'il vous plaît. Par pitié, là, il y a beaucoup de coureurs qui vont courir. Utilisez vos bras. Ils sont comme ça, puis. Ils n'utilisent pas leurs bras. Ils ont leurs bras pognés contre le corps. Et voilà, ils sont pognés contre le corps, puis le haut du corps ne bouge pas et ils ne font que courir avec le bas de la jambe, avec les jambes, dans le fond. Par pitié, essayez de courir un peu avec les bras. Regardez, mettons, un Kenyan qui court aux Olympiques, le marathon, vous allez voir, c'est sollicité. Le tronc est sollicité, puis on les épaules. Aussi, c'est ceux qui courent pour perdre du poids, par exemple, on perd plus de calories en faisant les bras aussi. En théorie, on va activer plus de masse musculaire, donc on va consommer plus d'oxygène. Consommer plus d'oxygène, oui, il y a une fatigue qui vient avec ça, sauf qu'il y a également une dépense calorique plus élevée. C'est effectivement, théoriquement, c'est un très bon point, Mathieu. Sinon, quand on parle d'obésité, est-ce que quelqu'un qui a de l'obésité, qui a de l'embonpoint, est-ce qu'on y met une paire de chaussures minimalistes dans les pieds? Quel type de chaussures qu'on y met dans les pieds? Je vais vous surprendre en disant ça, on devrait y mettre une chaussure qui va favoriser justement un comportement de modération d'impact. Parce qu'il faut qu'il se protège de lui-même, si on veut. Parce que son poids va lui. Et voilà, c'est que il n'y a aucune conscience de comment, mettons, je parlais du son tantôt, qui est tout le temps en train de varger sur le plancher. Ben, s'il n'y a pas conscience de ça, si on lui met une chaussure minimaliste dans les pieds, non seulement il va sentir quand il marche par terre, donc il va avoir une boucle de rétroaction qui va lui dire de OK, essaye d'être plus léger quand tu marches. Ouais. Et puis, en long terme, ben, il développe un comportement qui le protège de lui-même, si on veut. Donc, ça, c'est une bonne chose chez les personnes ayant un surplus de poids. C'est pour ça qu'on conseille et une chaussure minimaliste. D'y aller graduellement. Oui, voilà, d'y aller graduellement, c'est tout le temps la même. Commencer par le vélo, ça peut être bon logique. Aussi. Ouais, alterner vélo, le stress mécanique sur le vélo est effectivement moins élevé. Essayer de quantifier les stress mécaniques aussi, très bonne chose. Donc, mettons la course à pied, on lui donne une valeur théorique de 10, puis le vélo, on donne une valeur théorique de 3. Donc, si on fait 30 minutes, en bout de ligne, on va avoir une valeur théorique de 90 unités qui vont faire un stress mécanique de 90 versus la course à pied qui va avoir un stress mécanique de 300, mettons. Donc, on voit qu'il y a une différence. On comprend rien. C'est bon, je vais oublier ça tout de suite. C'est long à expliquer pour rien. Il y a des contre-indications, par contre. Pas tout le monde qui peut aller vers des chaussures minimalistes. Certaines conditions physiques, conditions particulières. Principalement, c'est quoi? J'en ai une qui me vient en tête, entre autres. On appelle ça des névromes de Morton en dessous des pieds. Névrome de Morton, c'est le nerf entre le deuxième et troisième orteil ou le troisième et quatrième, si je ne me trompe pas. À ce coin-là? Oui, voilà, au milieu du pied, qui devient un peu pincé et puis qui devient inflammé. Et puis ça, c'est une condition qui est très difficile à traiter, très difficile à... On connaît très peu de choses là-dessus. Et absolument, les gens qui ont ça, ben on va être obligé de leur mettre une chaussure très, très rembourrée en dessous des pieds, justement, pour essayer le plus possible. On va devoir leur mettre des orthèses pour essayer d'alléger le poids là-dessus. Puis on va devoir leur mettre une chaussure qui est très structurée pour essayer, justement, d'alléger le plus possible pour pas que le nerf soit pincé. Je t'en reparle en ronde de ça, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être ce que j'ai. Ah, si tu as un névrome de Morton, ça m'étonnerait pas, parce que... Ben, si tu souffles, mais c'est qu'à chaque pas, j'irai pas dans le détail, mais à chaque pas que je fais, dépendant comment mon orthèse est ajustée, parce que j'ai mon nerf fait un petit peu comme le nerf du coude. OK. Ça vient comme faire un genre de choc le pied, mais à peu près à cet endroit-là. Fait en avant du pied, ça se peut très bien que ce soit ça. Je comprendrais pourquoi tu aurais des orthèses dans ce cas-ci. Mm. C'est un cas, c'est une nécessité dans ce cas-là, tant qu'à moi. Ouais, ben. Les enfants, dernier cas de figure que je vais vous dire. Les enfants, on va viser de ne pas leur mettre de chaussures dans les pieds. Ils sont en développement. Vrai? C'est là qu'ils font leur capital pour toute leur vie, si on veut, que leurs pieds grandissent. Donc, en théorie, on devrait le plus possible ne moins leur mettre des chaussures qui les protègent dans les pieds. On devrait le plus possible les emmener vers le pied nu. Ou, parce que, bon, pied nu, on s'avoue qu'on peut pas sortir tout le temps avec les enfants nu-pieds. Surtout le verre, gros bas. Des gros bas bien épais. Soit des gros bas bien épais ou une chaussure minimaliste, tout simplement. Ça, peut ça existe pour les enfants, donc. Oui, voilà. Chaussure minimaliste, là, c'est pas juste cette chose-là qui est commercialisée puis qui est la grosse mode en ce moment. C'est des sandales aussi, c'est des sandales, c'est effectivement un excellent point. Les sandales, ça peut être des chaussures qui ont une petite semelle, qui ont peu de support, ça peut être des crocs, ça peut être plein d'affaires. Un ziploc avec un élastique. Et voilà. Non, pas celle-là. Les sacs de lait, c'est plus résistant. Ah, sac de lait, j'aime ça. Ça existe encore du nez en sac. Je suis tordu, messieurs. Donc, dernière chose que je vais vous dire, à ne pas oublier, une petite citation ici, c'est davantage la façon dont l'on court qui détermine si oui ou non qu'on est blessé que la chaussure qu'on a des pieds. La chaussure va déterminer un peu la façon dont on court, effectivement, elle va l'influencer, sauf que c'est la façon qu'on court en général qui va faire si on va être blessé ou pas. Donc, la façon qu'on s'entraîne, la façon qu'on se nourrit, la façon qu'on dort, la façon qu'on vit en général. Ça, c'est bon dans tout. Là. C'est bon dans tout, et voilà. Donc, la chaussure, oui, a un apport, sauf que faisant pas une complète histoire, ce n'est pas la fin du monde. Merci, et c'est sage parole. Et je finis là-dessus. En lançant un soulier comme ça. Et en lançant un soulier là-dessus, il me semble que ça fait une bonne finale. Oui, si on avait été à TV, t'aurais pu pitcher dans sa caméra, ça aurait été comme ça aurait été cool. Et voilà. Puis la radio marche pas. On m'aurait invité à tout le monde en part, puis Guillaume Lepage, je m'aurais tapé sur les doigts. Hey, Maxime Bilodeau, merci beaucoup. Écoute, je m'engage personnellement à faire à courir cette semaine. Ben, tu m'as donné le goût pour moi. Je t'invite, sauf que... Ben, je cours pas avec toi. Inquiète-toi pas. Mais petit conseil, là, vas-y... Mollo. Vas-y mollo, puis n'hésite pas, comme j'ai dit tout à l'heure, alterner course et marche. Surtout quand on recommence, et voilà. Puis c'est un schéma qui est très classique. Commence avec une minute de course, une minute de marche, une minute de course, une minute de marche. Après ça, mettons une minute et 10 secondes de course, 50 secondes de marche, une minute et 10 secondes de course. Et au fil du temps, essaye de remplacer le plus possible la marche par la course jusqu'à temps que tu sois capable de courir la pleine distance. X, Y, et voilà, sans marcher. Pour commencer, quoi, on parle de 10 minutes? 10 minutes, 15 minutes. Personnellement, les effets d'une bonne activité physique commencent à vraiment se sentir après une 10-15 minutes de minutes. Donc, vise 15-20 minutes. Okay. Voilà. Ou fais-toi un parcours plutôt 4-5 km. Puis, et voilà. Okay. Donc, je m'engage à faire le tour de la ville dans Wii Fit une fois cette semaine. Ou sinon, une partie de Dance Dance. Voilà, c'est cool. Ah ouais, okay. Pourquoi pas? Et il faut que je me prenne en main, hein, Maxime. Bon. Donc, Maxime Bilodeau, à la semaine prochaine, une autre chronique d'une foulée à l'autre. Et j'apprécie le fait que tu as expliqué un petit peu en même temps c'était quoi une foulée dans ta chronique. C'est une bonne chose. Une foulée n'est pas. Ouais, voilà. Je pars de loin. On s'entend là-dessus, je pars de très loin. Et Mathieu, comme je t'ai dit tantôt, je veux faire une demande spéciale. Ah, vas-y. Spéciale. Ou plutôt, un conseil que j'ai emmené à chaque semaine. Proposer une chanson par semaine pour complémenter vos entraînements, chers auditeurs. Cette semaine, une tune de Muse qui date de 2006 sur leur, album Black Holes and Revelations. Ça s'appelle Knights of Cydonia. C'est une épopée. On a l'impression de c'est une guerre intergalactique. C'est très motivant quand on court. Allez-y. Alors, entraînez-vous, tout le monde. Allez. Bonne journée, là. Bonne journée, Maxime. On se retrouve après pour la conclusion de l'émission dans quelques secondes. time to make things right. For our you and I must fight to survive. Et Knights of Cydonia. C'est ainsi que se termine cette édition d'Assemblage requis. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Demain, on a un plan vraiment très, très, très chargé. On va débuter avec Sex Pistols, ça devrait répondre là. Mais j'aimerais ça que, Mathieu, tu débutes l'émission avec... mon plat favori, mon... Tu manges mon cœur. Tu manges mon cœur. Oui, on va commencer avec ça, parfait. J'aimerais ça. Mon Tu manges mon cœur qu'on a sauté tantôt par manque de temps. Ensuite, on aura aussi Claire Pimparé, Pascaro, qui va nous parler de la semaine des écoles publiques. Oui, exactement, exactement. Et puis, on va avoir aussi quelqu'un de l'association Cinéma Clap de l'UQTR qui va venir nous parler justement de l'association en général. Qu'est-ce que c'est? Exactement, ça, ça va être vers les 8h15. Et pour terminer l'émission, à 8h30, on aura François Landry, sa chronique politique, Logocratie 101, c'est demain entre 7h et 9h. Restez à l'écoute, entre 11h et 13h aujourd'hui, il y aura le Dîner de con avec Danny Janvier, l'excellent Danny Janvier. Suivi à 13h de Connaître ensemble, le magazine sur la périnatalité. Ensuite, des émissions que vous avez ratées pendant la semaine qui vient de passer, les 7 derniers jours. Le Voyage insolite, album classique et l'examen final. Et puis, plus tard en soirée, à 21h, les deux émissions de Musique Trance à 21h pour CTR et 22h, le Transformer. On se quitte là-dessus. Bye, bonsoir. Bye, bye, Mathieu.